je ne cesserai pas de le répéter. L'anarchie conduit à la guerre civile. Pourquoi t'es devenu anarchiste ? On pourrait croire que c'est par haine, mais... c'est l'amour. C'est l'amour qui m'a fait devenir anarchiste. Vive l'anarchie ! Ouais, peignon, voilà trop longtemps que les bourgeois et les capitalistes se payent notre tête et boivent la sueur du peuple qui grelotte. Prouver que la démocratie, quand elle le veut, empêche le désordre de se manifester et l'anarchie de se répandre. Ce que nous voulons, c'est la fraternité entre tous les hommes. Et pour en arriver là, il faut taper sur le nez de ceux qui ne pensent pas comme nous. Vive l'anarchie ! Vive l'anarchie ! Il y a quelque temps, un intellectuel connu, que je ne citerai pas, déclarait avoir été, attention les oreilles, anarchiste. Le mot était lâché, à la fois avec l'ironie et la tendresse d'une personne osant se regarder plus jeune et pensait-elle avec honnêteté, mais aussi avec un peu de honte. Et il y avait effectivement quelque chose de l'aveu dans ses propos, comme si l'anarchie relevait de l'erreur de jeunesse, de la naïveté puérile, pour ne pas dire de la faute philosophique. Comme si se passer de tout commandement et de tout commencement était forcément absurde. Non pas seulement logiquement, mais moralement et politiquement, et tant qu'on y est dans les hiquements, anthropologiquement. L'anarchie pourtant mérite d'être prise au sérieux, et au moins pour une raison. Que pourrait-il se passer si on prenait le risque de se passer de chef, de principe, de gouvernement, de soumission ? Est-ce que ce serait vraiment le chaos ? À quoi peut bien ressembler le fait de penser et de vivre sans ? Des groupes d'enragés se proposent de généraliser le désordre avec le but avoué de détruire la nation et les bases mêmes de notre société libre. L'anarchie, c'est l'eau pure, il suffirait d'une goutte de sang pour la troubler. Oh, une vraie vie, hein ? Un crime, un seul ! Et nous ne sommes plus des anarchistes, nous sommes des assassins. Quelles que soient vos préférences politiques, quelles que soient vos revendications sociales, vous refusez l'anarchie. Écoutez la voix de la raison. Je lis dans le journal de ce matin que vous êtes disposé à, je cite, « offrir 1000 francs pour tirer un coup de fusil sur un anarchiste ». Je vous demande de retirer cette affirmation qui est indigne. Je ne dirais pas d'un député, mais d'un être humain. Il y a la pince sur sang, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça. Ils sont toujours debout, les anarchistes. Bonjour Catherine Malabou. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'université de Kingston au Royaume-Uni. Vous avez travaillé sur la plasticité, sur le cerveau, l'intelligence. Votre dernier livre porte sur le clitoris. Vous étiez venu en parler à ce micro il y a quelques temps, mais en janvier prochain, aux éditions PUF, va paraître un livre sur un tout autre sujet, au voleur, anarchisme et politique et philosophie. Comment, quel lien, car j'imagine qu'il y en a un, entre le cerveau, le clitoris et maintenant l'anarchie, Catherine Malabou. Oui, évidemment, présenté comme ça, on peut se dire que tout ça est assez hétéroclite, mais en réalité, bon, si je dois retracer des lignes, je dirais que depuis longtemps, je m'intéresse essentiellement à deux choses. D'une part, tout ce qui résiste, tout ce qui met au défi la domination. Et deuxièmement, tout ce qui doit inventer sa forme, tout ce qui n'est pas prédonné, prénormé et qui a toujours à s'inventer. Pour moi, l'anarchisme est précisément une forme politique qui prend sa source dans le refus de la domination et qui, parce qu'elle ne dépend pas de principe, doit penser constamment sa propre invention, sa propre prise de forme. Et d'ailleurs, la plasticité est un terme qui est souvent revendiqué par les anarchistes. Voilà, c'est-à-dire, puisque L'anarchisme est une forme politique qui ne dépend pas d'une autorité centrale. Elle doit nécessairement s'inventer. Alors comment on fait pour penser quelque chose dès lors qu'il n'y a plus de principe, dès lors qu'il n'y a plus en fait de domination, ou du moins plus un cadre précis, parce qu'on a l'impression, en fait, dès lors qu'on se passe de structure, d'une organisation, en fait, d'un ordre, on a l'impression, en fait, que les objets nous échappent et que la plasticité, en cela, nous échappe. Comment on peut penser véritablement la plasticité, qu'elle soit l'ordre de l'ordre, effectivement, du cognitif, du plaisir et maintenant, en fait, de la politique? Alors, on va dire que pour les anarchistes, par les anarchistes, alors on définira tout à l'heure hein, ce qu'il faut entendre par là, mais pour parler vite, en fait, ce que vous appelez, ce qui s'appelle généralement ordre, est pour eux la manifestation du désordre. Parce qu'un ordre qui est imposé par un gouvernement, par une norme, etc., dans la mesure où il est imposé, n'est plus un ordre, mais un désordre. Le seul ordre que les anarchistes reconnaissent est celui qui est librement consenti. Et c'est ça qui s'appelle anarchie, c'est-à-dire comment l'ordre peut émerger spontanément d'une absence d'imposition par un pouvoir central. D'ailleurs, Proudhon dit l'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir. Mais ça, c'est étonnant de dire ça, parce qu'on a vraiment en tête le fait que l'anarchie, c'est le désordre. Ça, c'est peut-être une des premières choses, un des premiers malentendus sur lesquels on doit revenir sur l'anarchie, c'est que pour nous, je dis pour nous, en fait, de manière habituelle, l'anarchie, c'est vraiment le synonyme du désordre, de l'absence d'autorité, mais surtout du désordre, du chaos. Oui. C'est ce qu'on a entendu d'ailleurs dans tous les extraits très, au début. C'est une vieille idée, puisque anarchia apparaît déjà chez Platon, chez Aristote. Effectivement, c'est le manque d'autorité, le refus d'obéissance, l'absence de loi, anomia, la sédition. Et souvent, c'est assimilé à la démocratie comme mauvaise forme de régime. Cette acception négative va durer jusqu'à 1840, où pour la première fois Proudhon, dans « Qu'est-ce que la propriété ?», va dire « Je suis anarchiste », c'est la première fois, et dans un sens positif, c'est-à-dire qu'il y a un renversement sémantique dans lequel ce qui, comme je viens de dire, passait pour une absence d'ordre, etc., va devenir un mot d'ordre, sans jouer sur les mots, c'est-à-dire « Eh bien oui, partons de cette possibilité » de créer l'ordre nous-mêmes, sans imposition par le gouvernement ou l'État. Le sous-titre de votre livre qui va paraître donc aux éditions PUF, « Au voleur, anarchisme et philosophie », vous parlez d'anarchisme. Quelle différence peut-on faire entre anarchisme et anarchie? Est-ce qu'il y en a véritablement une? Alors, j'ai effectivement à dessein utilisé le mot anarchisme, parce que, et c'était une des motivations du livre, j'ai remarqué que beaucoup de philosophes contemporains ont un très fort concept d'anarchie dans leur pensée, mais se refusent à se déclarer anarchistes, comme s'il y avait, vous en avez parlé tout à l'heure, une forme de honte, ou de naïveté, ou de méfiance, à franchir le pas. Alors, ils parlent de refus d'étiquette, ils parlent de « oui, mais l'anarchisme appartient encore à la tradition », etc. Moi, je me suis demandé pourquoi ce recul, dans la mesure où... il est tout à fait possible encore aujourd'hui, en philosophie, de se dire marxiste, par exemple. Hein. Pourquoi se dire anarchiste est-il forcément la marque, du, comme vous avez dit, d'un défaut, d'une insuffisance, etc. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, il me paraît très difficile d'explorer le concept d'anarchie en montrant la positivité, hein, en l'analysant précisément du point de vue de Proudhon, à savoir c'est l'ordre moins le pouvoir. Il paraît très difficile d'explorer ce concept en se mettant un peu en retrait, parce que quel retrait ? Alors on analyse l'anarchie du point de vue du pouvoir, hein, pourquoi ne pas adopter d'emblée la position ? Parce que sinon, si vous voulez, l'examen est faussé. Mais parce que l'anarchie a aussi peut-être toujours résonné historiquement comme une étiquette politique, idéologique, comme une étiquette philosophique. Oui, mais alors, c'est ça qui m'a troublée. Comment expliquer? Alors, je travaille dans ce livre sur cinq philosophes. Rainer Schurmann, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le principe d'anarchie », Lévinas, qui parle de responsabilité anarchique, Derrida, l'archi-écriture, Foucault, l'anarchéologie, Agamben, anarchie et création, Rancière... la politique est fondée sur l'anarchie. Et je me dis, comment... parce que ces concepts-là sont vraiment fondamentaux, ils déconstruisent beaucoup le marxisme, etc. Comment est-ce qu'on peut, au fond, inscrire l'anarchie comme concept au fondement même, enfin, de la nouvelle pensée philosophique, on va dire, qui se refuse à la discipline, qui se refuse au parti, qui se refuse essentiellement au marxisme, et avoir cette position de retrait en disant « oui, mais attention, je ne franchis pas le pas ». Vous voyez, parce que, alors moi, je l'analyse comme une forme de reconnaissance, on va dire inconsciente, hein, de ce qu'au fond, ils n'arrivent pas à franchir le pas qui les conduirait à dire « on peut se passer de gouvernement ». Là, on sent qu'il y a une limite. Foucault, toute sa vie, a lutté pour essayer de penser une sorte de suspension du gouvernement. Et bon, en même temps, il y a ce frein. Je vous propose justement d'écouter la voix de Michel Foucault. Premièrement, il ne s'agit pas d'avoir en point de mire, au terme d'un projet, une société sans rapport de pouvoir. Il s'agit au contraire de mettre, si vous voulez, le non-pouvoir ou la non-acceptabilité du pouvoir, non pas au terme de l'entreprise, mais de la placer au contraire au début du travail, sous la forme d'une mise en question de tous les modes selon lesquels, effectivement, on accepte le pouvoir. Deuxièmement, il ne s'agit pas de dire que tout pouvoir est mauvais, mais de partir de ce point qu'aucun pouvoir, quel qu'il soit, n'est de plein droit acceptable et qu'il est absolument et définitivement inévitable. Vous voyez donc qu'entre ce qu'on appelle grossièrement l'anarchie, l'anarchisme, et les méthodes que j'emploie, il est certain qu'il y a quelque chose comme un rapport, mais vous voyez que les différences sont également claires. La position donc que je vous propose n'exclut pas l'anarchie, mais vous voyez qu'elle ne l'implique aucunement, qu'elle ne la recouvre pas et qu'elle ne s'identifie pas à elle. Il s'agit, si vous voulez, d'une attitude théorico-pratique concernant la non-nécessité de tout pouvoir, et pour distinguer cette position théorico-pratique sur la non-nécessité du pouvoir comme principe d'intelligibilité du savoir lui-même, eh bien, plutôt évidemment que d'employer le mot anarchie ou anarchisme qui ne conviendrait pas, je vais faire un jeu de mots, puisque les jeux de mots ne sont pas très à la mode actuellement. Alors, je dirais que ce que je vous propose serait plutôt une sorte d'anarchéologie. C'était donc la voix de Michel Foucault du gouvernement des vivants. C'est un cours au Collège de France de 1980. Anarchéologie, tout ça pour éviter de dire anarchie ou anarchisme. Il insiste lourdement sur ce point, je dois dire. On retrouve ici, Catherine Malabou, ce rejet hein, des philosophes à se dire anarchiste tout en empruntant clairement des concepts relevant de l'anarchie. Oui, et vous voyez à quel point la position de Foucault est compliqué, enfin, à quel point il a du mal. Mais ça devient presque absurde, en fait. Voilà. Et parce que, en fait, il énonce le principe de l'anarchie qui est, au départ, le pouvoir n'est pas nécessaire. Au départ, il y a une non-nécessité du pouvoir. Aucun pouvoir n'est nécessaire. Et il dit, il faut commencer par la résistance au pouvoir. Le premier principe politique, c'est la résistance au pouvoir. Qui, d'ailleurs, n'est pas une absence de pouvoir, mais un contre-pouvoir. Et ça, en disant cela, il contredit directement ce que dit Aristote, qui invente la notion d'arché. Aristote dit, il y a un principe qui est que, en politique, le départ de la politique, c'est l'alliance, et le mot arché dit les deux, entre l'État et le gouvernement. Alors il faut revenir juste, Catherine Moulabou, je vous interromps, sur l'idée quand même que anarchie, l'étymologie, c'est an qui est un privatif en grec, et arché qui signifie donc commencement et commandement, et donc traduit par principe, enfin repris en termes de principe par Aristote. C'est ça. Donc il le développe dans la métaphysique, bien sûr. Il faut que chaque chose commence et commande en même temps. Mais c'est un principe fondamental de la politique. La cité commence, c'est-à-dire qu'elle rompt avec la famille, avec tout ce qui est de l'ordre du naturel, et elle commande. Il y a une alliance entre l'autorité étatique et le gouvernement. Et après Aristote, tous les traités de politique diront le premier principe de la politique, c'est l'alliance entre État et gouvernement. Le pouvoir est donc nécessaire. L'idée de principe dit la nécessité du pouvoir. Ça ne se conteste pas. Parce que, comme vous avez dit, sans pouvoir, c'est le désordre, etc. Foucault, en disant au début de sa communication que aucun pouvoir, quel qu'il soit, ne va de soi et n'est nécessaire, il renverse littéralement la théorie d'Aristote. Et il donne le départ d'une autre politique, à savoir que tout traité politique devrait commencer par la résistance. Il dit ce qu'il vient en premier, c'est la résistance. Et là, il est au cœur de la pensée anarchiste. Mais il y a ce recul, en disant non, mais quand même, je vais inventer ce concept d'anarchéologie, excusez-moi, qui dit exactement la même chose qu'anarchie. Alors, ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que je comprends très bien que Foucault n'ait pas voulu se reconnaître dans l'anarchisme des années 1880, qui était quelque chose de très particulier, qui était une pensée révolutionnaire d'un certain type à une certaine époque. Mais pourquoi ne dit-il pas ? Eh bien, aujourd'hui, au XXe siècle, on va inventer. Voilà, c'est l'histoire de l'anarchisme qui continue. Et on vit aujourd'hui une nouvelle époque, qu'on peut appeler anarchéologie si on veut. Mais pourquoi cette négation ? Alors comment vous l'interprétez, vous, Catherine Malabou, qui avez travaillé sur d'autres auteurs qui, de la même manière, empruntent des concepts de l'anarchie sans se revendiquer comme anarchiste ? Est-ce que c'est une forme de déni, d'oubli, voire de malhonnêteté intellectuelle ? Alors, le déni, c'est certain. C'est une des raisons que je donne. Je pense que là, il y a une raison inconsciente. Et quand je dis inconsciente, il ne faut pas oublier que Freud a écrit un livre qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir ». Hein, donc l'inconscient et l'anarchisme ont une relation extrêmement étroite. Mais malhonnêteté intellectuelle, bien sûr que non, je n'irai pas jusque-là, mais qui est une forme de vol, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Au voleur », vol plus ou moins assumé, c'est-à-dire que sans Proudhon qui a renversé, comme on a dit tout à l'heure, le sens de l'anarchie qui a fait cette révolution sémantique, selon laquelle anarchie, anarchisme deviennent des concepts positifs, sans cela, les philosophes contemporains n'auraient pas pu élaborer leur propre pensée, qui s'appelle anarchéologie, archi-écriture, etc. Mais d'une certaine manière, on pourrait aussi élargir cette question à nous tous, ou alors à d'autres philosophes, ou à des intellectuels. Est-ce que finalement, l'anarchie, c'est un peu un territoire qui est tout de suite basculé dans le rejet, dans le déni ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait peur véritablement dans l'anarchie ? Parce que c'est vrai, l'anarchie, il y a quelque chose de fantasmé, du côté du désordre, du côté de la violence, du côté aussi de cette... Par exemple, enfin, toutes les théories politiques, comme vous l'avez dit depuis Aristote, se construisent comme oui. En opposition entre un état de nature qui serait un état de guerre des uns contre les autres, à un état de droit où on s'est regroupé justement pour faire face à ça. Et là, la perspective anarchiste nous oblige à renverser cette idée. Et ça, c'est presque insupportable. C'est presque insupportable. C'est vrai que Hobbes, quand il décrit l'état de nature dans le Léviathan, parle d'anarchie. Il associe la guerre de tous contre tous à l'anarchie. Et Foucault, d'ailleurs, pour en revenir à lui, dit, mais non, en fait, ce que Hobbes décrit là, c'est pas un état de nature, c'est en fait la guerre civile. Alors, ça, il faudrait, de façon intéressante, développer sur Foucault qui renverse ce théorème. Alors, mais pour revenir à votre question, oui, le désordre, qu'est-ce qui fait peur? Alors, déjà, la première chose, c'est que cette qualification péjorative de l'anarchie, elle est constante. Ça commence avec la Première Internationale, où Marx, éjecte Bakounine. Clairement, les anarchistes ont toujours été victimes de l'oubli. Toujours. Ils sont un peu des exclus. Des exclus. Ils ont été éradiqués pendant la guerre d'Espagne, etc., etc. Ça a été un combat sans merci. Ils n'ont jamais pu véritablement, historiquement, s'exprimer. Et je crois, enfin moi, puisque vous me demandez ce que je pense, je crois vraiment que ce qui paraît insupportable, comme vous dites, c'est l'idée selon laquelle on pourrait vivre en se gouvernant nous-mêmes, hein, c'est l'idée d'autogestion, d'auto-organisation, sans que cela crée la guerre. Voilà. Ça, c'est une idée insupportable. Mais ce qui est intéressant, je crois, en philosophie, c'est précisément les idées insupportables. Parce qu'elles disent évidemment quelque chose. Hein. Je veux dire que s'il n'y avait pas, si on ne sentait pas que dans cette idée d'absence de gouvernement, il y avait quelque chose comme une vérité, elle ne nous paraîtrait pas insupportable. Voilà, on n'aurait pas besoin de faire du déni, on n'aurait pas besoin de dire, voyez ce que je veux dire. Là, il y a une idée brûlante que Freud d'ailleurs pose dans son livre Au-delà du principe de plaisir. Quand il n'y a plus le principe qui limite notre inconscient, hein, la régulation des flux énergétiques dans notre inconscient, qu'est-ce qui se passe ? Là, on sent que voilà, c'est de l'ordre du trauma. En fait, on a peur de mourir, on a peur de se tuer, voilà, on a peur de la mort. Et alors, ce qui m'amuse, enfin si je puis dire, c'est que cette question, elle se pose sur l'anarchie, à propos de l'anarchisme, mais les communistes ou les marxistes font comme si, eux, la question ne les concernait pas. Hein. Il n'y a pas de violence, bien entendu, hein, dans le marxisme. Il y a pas, vous voyez, c'est-à-dire, on a l'impression que c'est l'apanage des anarchistes, cette question de la violence. Alors que, où, dans quel mouvement politique n'y a-t-il pas de violence, n'y a-t-il pas de peur de mourir? Je pense par exemple à Jacques Rancière qui développe une idée très intéressante selon laquelle, au fond, la vraie démocratie supposerait qu'on tire les gouvernants au sort et que n'importe qui puisse arriver au pouvoir. Alors quelqu'un lui dit, mais enfin, ça serait n'importe quoi, ça serait la guerre, ça serait la violence, et il répond, mais vous ne croyez pas que les politiciens actuels n'ont aucun titre de plus que vous, moi, à gouverner, et c'est pas ça la violence ? Vous voyez, c'est-à-dire que je crois que on peut s'interroger sur oui, le côté insupportable de cette idée qui, en fait, révèle quelque chose comme un désir ou une vérité. À quel atelier tu travailles ? Quel est ton nom ? Je suis désolé, mais je ne fais pas partie du bétail. Oh, parfaitement du bétail ! Mais regardez-vous ! Vous étiez les enfants de la commune, et qu'est-ce que vous êtes devenus maintenant, hein ? Un troupeau ! On vous ordonne et vous obéissez ! Faites quelque chose, moi, je ne sais pas ! Bétail pour bétail, vache pour vache, vous devriez apprendre à bronter l'herbe ! Écoutez-moi ! Regardez, regardez votre usine, regardez-la bien ! Il serait peut-être temps de vous apercevoir que ce n'est pas votre usine, mais votre prison ! Écoutez-moi ! Ce que tu fais, fais-le pleinement, pas à demi, Ibsen ! Le soleil ne donne la vie qu'à ceux en qui elle a déjà germé ! Tolstoï ! Les hommes passent la moitié de leur vie à se forger des chaînes et l'autre moitié à se plaindre d'avoir à les porter. Mirabeau, et surtout ouvriers, rappelez-vous bien ceci, les patrons sont des gens comme vous. Ils n'ont qu'une seule tête, ils n'ont qu'un seul cul. Écoutez-moi. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, la Ligue-Guignol, dirigé, légiféré, réglementé. Parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé, puis à la moindre réclamation, au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement. Voilà sa justice. Voilà sa morale. Et dire qu'il y a parmi nous des démocrates qui prétendent que le gouvernement a du bon, des socialistes qui soutiennent, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, cette ignominie, des prolétaires qui posent leur candidature à la présidence de la République. C'était un extrait de « Idée générale de la Révolution au XIXe siècle », un texte de Pierre-Joseph Proudhon, interprété par Hélène Losseur. C'est un texte génial, hein, je dois dire, Catherine Malabou, qu'on entend aussi, on l'a entendu juste avant, dans le film de Philippe Fourastier de 1968, « La bande à Bono ». Texte génial, fait d'accumulation. On voit bien en fait que le gouvernement en prend pour son grade très clairement. Mais pourquoi une telle critique du gouvernement, finalement? Le gouvernement est-il véritablement le problème ? Le problème, est-ce que ce n'est pas plutôt l'autorité ou les structures de domination ? Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on dit souvent l'anarchisme, c'est une critique de l'État. En réalité, le problème de l'anarchisme, c'est bien le gouvernement. Alors, quelle distinction il faut faire entre l'État et le gouvernement ? L'État, pour les anarchistes, c'est la couverture idéologique du gouvernement. Ça sert à rien d'autre que recouvrir... Ce principe, en fait, très simple, qui repose sur le partage entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. En fait, l'anarchisme, au départ, c'est une idée assez simple, hein, même si c'est un mouvement très complexe, mais l'idée est assez simple, c'est pourquoi acceptons-nous que certains commandent et d'autres obéissent, dans la mesure où ce partage n'est fondé, comme le dit Foucault, sur aucune nécessité. D'où ça vient, ça ? Et effectivement, Aristote lui-même en vient à ce qu'on appelle élégamment des apories dans la politique. Il dit au départ, tous les citoyens, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen ? C'est être à la fois capable de commander et d'obéir tour à tour. Et puis, au livre 3, il commence à dire, oui, mais certains sont plus aptes que d'autres à gouverner, parce que certains ont la vertu. C'est dans les politiques d'Aristote. C'est dans la politique, oui. Mmh. Alors on appelle ça une aporie. Mais drôle d'aporie. Je veux dire qu'au bout d'un moment, voilà, la chose est posée. On commence par la circularité citoyenne et puis on arrive quand même à cette... il dit, regardez, sur un bateau, chacun a sa mission propre, les citoyens pareil. Il faut bien qu'il y ait quand même un commandant pour harmoniser toutes ces aptitudes. Donc la chose est posée et effectivement on dit c'est une aporie parce qu'on ne voit pas où est le fondement de ça. Et c'est ça que Proudhon a en vue, c'est-à-dire pourquoi acceptons-nous d'être commandés et pourquoi acceptons-nous d'obéir. Et l'anarchie n'est pas forcément une défense de la désobéissance civile, hein, c'est pas ça. C'est une réflexion sur pourquoi j'accepte d'obéir aux ordres, qui a le droit de m'en donner, pourquoi, ça repose sur quoi, voilà. Est-ce que c'est, parce qu'il faut distinguer peut-être les domaines, Catherine Malabou, entre la politique, entre le travail ou dans les relations amoureuses aussi, est-ce que finalement ça n'est pas aussi une manière d'avoir mis à la finalité en fait de nos actions l'idée d'efficacité et l'idée qu'en fait en se partageant les tâches et en faisant en sorte que certains donnent des ordres à d'autres, le travail serait mieux fait ou le pays serait mieux tenu ou les relations amoureuses pourraient durer éternellement. Est-ce qu'au fond il n'y a pas cette idée d'efficacité qui a effacé le reste? L'efficacité, si vous voulez, elle est contredite dans les faits. Je veux dire que moi, si j'ai eu le besoin d'écrire ce livre, là, vous avez passé des extraits qui renvoyaient beaucoup à l'anarchisme révolutionnaire et l'anarchisme, ce qu'on a appelé l'anarcho-syndicalisme. Bon, l'anarchisme a beaucoup évolué. Hein. On en date les dernières manifestations à Seattle en 1999 et aujourd'hui, on a des mouvements comme les Gilets jaunes, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on se rend compte que ce que vous appelez l'efficacité, qu'elle soit dans le travail, qu'elle soit l'efficacité gouvernementale, bien écoutez, on peut malgré tout en douter. Enfin, c'est-à-dire que mon livre, il est parti quand même du constat d'un abandon. Enfin, on est quand même livré à nous-mêmes. De fait, il y a une anarchie. Alors. De fait, il y a une anarchie qui aussi se manifeste par ce que j'appelle l'ubérisation illimitée de la vie. C'est-à-dire qu'on devient nos propres gestionnaires, en quelque sorte. Mais que ça n'est pas théorisé. Alors, en même temps, il y a ces mouvements populaires. Hein, il me semble intéressant d'essayer d'articuler les deux. C'est-à-dire une anarchie de fait et une anarchie d'éveil. Parce que quand vous parlez d'efficacité, alors dans les relations amoureuses, ça serait encore... mais là aussi, ça explose. Enfin, c'est-à-dire le domaine de la force de la domination, etc., c'est en train quand même d'exploser dans les relations amoureuses. Il me semble que cette efficacité, aujourd'hui, on en voit beaucoup les limites. Donc, ça serait à mon tour de demander quelle efficacité. On voit bien que... on voit bien quand même qu'on est, je dirais aujourd'hui, de plus en plus abandonné. Et est-ce que le problème, c'est véritablement le gouvernement? Parce qu'on pourrait très bien aussi identifier le gouvernement au fait de se conduire soi-même, au fait de se donner des règles, à une forme d'autonomie, en fait, même littéralement à l'autonomie. Pourquoi, en fait, s'en prendre au gouvernement alors qu'au fond, ça n'est pas tant le fait d'être gouverné ou de se gouverner qui pose problème, mais plutôt le fait qu'il y ait un partage entre des dominants et des dominés? En fait, le véritable problème, c'est la domination plus que le gouvernement, non? Mais pour Proudhon, c'est la même chose, hein. Pour tous les anarchistes. Et même Rancière le dit clairement dans un livre, j'ai mis ça en exergue, gouvernement égale domination. Hein, c'est-à-dire qu'il y a presque une synonymie des termes. Et vous êtes d'accord avec cette synonymie? Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a ce partage non interrogé entre commander et obéir, je crois que là, on a, oui, le germe de quelque chose comme la domination. Alors, je sais que ça va choquer, que voilà, c'est ça, ça, c'est pas du tout dans les canons de la politique classique, de la théorie politique classique, mais oui, je crois que, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de revenir à l'origine de ce partage, oui, qui à mon avis n'a jamais été justifié, autrement que par des apories. Et donc, quand on vient à ce partage, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas gouverné ou quand on se gouverne pas, quand on n'y a pas de principe? C'est vraiment la question que je posais au départ. Hein. C'est qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez peut-être essayé d'imaginer, Catherine Malabou, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de chef? Mais mieux que ça, en fait, quand on ne se donne même plus de principe, quand il n'y a pas de début? Alors, quand il n'y a plus de principe, quand il n'y a plus de début, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien... J'ai cité beaucoup les géographes, Élisée Reclus, Kropotkin, dans mon introduction. Ils se sont promenés à la surface de la Terre, ils marchaient beaucoup. Hein. Il y a l'association de l'anarchisme et du nomadisme. Eh bien, on découvre une horizontalité. On découvre qu'au fond, Ce qu'il faut faire quand on est seul, d'une certaine façon, eh bien, c'est effectivement de s'associer, mais de s'associer dans une logique de mutualité. Et le grand concept de Kropotkin, c'est l'entraide. Et on a entendu tout à l'heure un extrait des communards, hein, de la commune. L'idée, c'est la commune. C'est pas le commun, hein, c'est la commune. C'est-à-dire l'auto-organisation d'une forme politique, petite ou grande, dans laquelle les chefs, parce qu'il en faut, effectivement, sont remplacés régulièrement, hein, qui fonctionnent essentiellement sur des contrats entre les gens. Et personne, enfin, je veux dire que ceux qui gèrent, on va dire, hein, n'ont pas véritablement le pouvoir, ils font de l'administration. Ça, c'est très important. Il n'y a pas, quand je parlais des chefs, c'est pas un gouvernant, c'est quelqu'un qui va assurer pendant un certain temps la gestion des comptes, des papiers, etc., et qui va passer la main rapidement. Donc, c'est cette idée d'une organisation horizontale qui repose sur la mutualité. Lorsque nous étudions les animaux, nous nous apercevons tout de suite que bien qu'il y ait dans la nature une somme énorme de guerres entre les différentes espèces, et surtout entre les différentes classes d'animaux, il y a tout autant, ou peut-être même plus, de soutien mutuel, d'aide mutuelle et de défense mutuelle entre les animaux appartenant à la même espèce, ou au moins à la même société. La sociabilité est aussi bien une loi de la nature que la lutte entre semblables. Il serait sans doute très difficile d'évaluer, même approximativement, l'importance numérique relative de ces deux séries de faits. Mais si nous en appelons à un témoignage indirect et demandons à la nature quels sont les mieux adaptés, ceux qui sont continuellement en guerre les uns avec les autres ou ceux qui se soutiennent les uns les autres, nous voyons que les mieux adaptés sont incontestablement les animaux qui ont acquis des habitudes d'entraide. Ils ont plus de chances de survivre et ils atteignent, dans leur classe respective, le plus haut développement d'intelligence et d'organisation physique. Si les faits innombrables qui peuvent être cités pour soutenir cette thèse sont pris en considération, nous pouvons sûrement dire que l'entraide est autant une loi de la vie animale que la lutte réciproque, mais que comme facteur de l'évolution, la première a probablement une importance beaucoup plus grande en ce qu'elle favorise le développement d'habitudes et de caractères éminemment propres à assurer la conservation et le développement de l'espèce. Elle procure aussi, avec moins de pertes d'énergie, une plus grande somme de bien-être et de jouissance pour chaque individu. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Voilà pourquoi l'anarchie n'est pas seulement une critique, quelque chose de négatif, mais aussi quelque chose de positif qui pense autre chose que la critique du gouvernement et de l'État. On vient d'entendre un extrait de L'entraide, un facteur de l'évolution, un texte de 1902 interprété par Hélène Losser. C'est un texte de Kropotkin que vous avez cité, Catherine Malabou. On voit bien en fait que quand on se passe de principe, quand on se passe de verticalité, on a l'horizontalité qui prend ici la forme d'un concept qu'on entend vraiment très peu en philosophie, qui est l'entraide. L'entraide, oui. C'est un néologisme, l'entraide, qui avait été inventé par Reclus, Élisée Reclus. Donc, qui est un ami de Kropotkin. Qui était un ami de Kropotkin, qui cherchait un titre, enfin, pour traduire son livre en français. Alors, ça a été beaucoup critiqué, ça. On a dit, mais voyez, regardez, cet anarchisme-là, il se fonde sur un biologisme. C'est très dangereux, parce que ça veut dire que la société devrait, la société humaine devrait imiter la société animale. C'est le fondement de la sociobiologie. En fait, toutes ces critiques sont totalement, à mon avis, irrelevantes, parce que ce que dit Kropotkin ici, bon, c'est que la sélection naturelle n'est pas la seule loi de la vie, qu'il y a aussi l'entraide. Il a observé ça en Sibérie, hein, dans des régions extrêmement désertiques, inhospitalières, etc. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait? Il ne dit pas « la société humaine doit imiter la société animale ». Il dit « écoutez, voilà, il y a quelque chose, si vous voulez savoir ce qui ne se gouverne pas, si vous voulez savoir ce qui échappe à commander, obéir, eh bien, c'est la vie. Voilà. Quelque chose comme la vie, et on l'observe dans les animaux, mais pas seulement chez les animaux, et ça prend le contre-pied de ce que dit Nietzsche, hein, pour le pire ou pour le meilleur, mais non, la vie, ça ne se commande pas. Un être vivant ne se commande pas. La vie, c'est quelque chose qui cherche à se maintenir par l'entraide, et pas seulement par la lutte, pas seulement par la guerre de tous contre tous. Et pourquoi ? Parce que la vie, elle ne peut pas penser son propre commencement, elle est là, et elle ne peut pas penser son propre commandement, parce que toute seule, elle ne se suffit pas. Donc c'est moins, pour moi, c'est moins dire on va fonder la société humaine, on va l'ancrer dans des principes biologiques, plutôt que de dire, mais regardez, tout le principe même du gouvernement, il est contraire à la vie. Voilà. Et la vie est un concept qui, évidemment, tout de suite échappe à une sorte de vision trop étroite de la biologie. Oui, mais oui. Dire que c'est la vie, finalement, c'est aussi une manière, en fait, de dire que la vie échappe, c'est presque trop simple d'une certaine manière, parce que à ce moment-là, enfin, comment on peut échapper ? Déjà, comment la vie s'échappe ? Comment en fait elle vit sans principe régulateur ? Alors en étant aidée avec les autres, il y a le concept d'entraide, on l'a entendu, mais c'est presque, vous voyez, une sorte, ça pourrait presque frôler le cliché de dire la vie s'échappe, la vie oui, survit. Oui, oui, bien sûr, mais. Ça veut dire, bien sûr, vous avez raison, il n'y a pas de vie sans principe régulateur, mais c'est la plasticité de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des règles, mais c'est des règles qui ne viennent pas d'en haut. Et que, si vous voulez, c'est pas si cliché que ça. Parce qu'au fond, Foucault, dans ses derniers séminaires, là où, à mon avis, il est le plus anarchiste, là où vraiment il s'approche de quelque chose, de quoi parle-t-il ? Il parle de la forme de vie. Il parle de ce qui a été, selon lui, éradiqué, enfin, occulté, on va dire, par Platon, qui est que Platon a transformé le « connais-toi toi-même » en forme de connaissance plutôt qu'en « élabore ta propre forme de vie ». Foucault, ses dernières paroles, c'est au fond « comment vivre ». Et quand on regarde ce qu'il dit sur les cyniques, parce que pour lui, les cyniques sont les préfigurateurs des anarchistes, les cyniques, c'est très très beau, les textes sur Diogène, etc., sont des gens qui respectent le mouvement même de la vie. Alors évidemment, dit comme ça, il faudrait s'y étendre beaucoup plus. Vous avez raison, dit comme ça, ça paraît simpliste, etc. Mais quand on y réfléchit, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose, et Foucault l'a dit aussi, qui dans l'éducation, dans la politique, dans la citoyenneté, etc., il y a quelque chose de l'ordre du dressage, qui va consister à transformer cette espèce de d'épanchement vital en en arquet, c'est-à-dire en organisation dépendant d'ordre. Et est-ce qu'on peut aller même plus loin que ça, Catherine Malabou, et dire que cette forme de dressage, en fait, va jusqu'à nous faire penser, par une sorte d'illusion rétrospective, qu'avant l'État, qu'avant le gouvernement, notre nature était irresponsable, forcément violente. C'est-à-dire on était des enfants. Voilà, on est des enfants. Mais en fait, ça veut dire que si je reprends bien les choses entre une répartition courante en philosophie politique entre l'état de nature et l'état de droit, finalement, toutes les théories, par exemple contractualistes, qui nous font penser qu'un contrat social passé collectivement va nous faire passer d'un état de nature dangereux pour chacun d'entre nous à un état de droit protecteur pour nous tous, finalement, nous fait penser, par une forme d'illusion rétrospective, que ce qui est dangereux, c'était notre propre nature. C'est le gouvernement qui vient nous faire penser que notre nature doit s'auto-justifier, en fait, en condamnant notre nature, ou peut-être ce que vous entendez par vie, Catherine. C'est Malabou. Ça, c'est-à-dire on doit, c'est cette idée très courante en philosophie, que la civilisation est une contre-nature, oui. C'est-à-dire qu'on doit effectivement contrer notre nature, c'est-à-dire notre enfance. C'est pas un hasard si les anarchistes passent pour des gens naïfs, etc. C'est des enfants, avec leur violence, avec leur naïveté, avec « je t'obéis pas », etc. Mais justement, pour en revenir à Freud, dans l'idée d'infantile, comme vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment dire, de mémoire. Enfin, il y a effectivement quelque chose comme, on comprend rétrospectivement qu'au fond, derrière cette idée d'enfance, il y avait peut-être quelque chose comme une leçon. Qu'on n'a pas entendu, qu'on a trop vite condamné, qu'on a trop vite rejeté du côté du caprice, du côté de la terreur. Mais vous avez cité les cyniques et en fait, on est quand même peu d'entre nous à vouloir devenir Diogène qui quand même avait l'image d'un homme qui se masturbait en public. Donc en fait, on a ça aussi en tête quand on se dit suivre sa nature propre. Alors certes, il y a l'entraide, mais jusqu'où l'entraide, ça permet aussi de contenir des pulsions. Vous parlez de Freud, mais aussi jusqu'où l'entraide, ça peut remplacer les contrats, les engagements, les promesses, jusqu'où en fait on peut faire confiance à quelqu'un, à la fois sur sa manière de se comporter, mais aussi confiance à moi-même, si je n'ai pas en fait un cadre qui me surplombe. Oui, comment dire ? Bon, alors Diogène, évidemment, c'est cette espèce de remise en question de la limite entre privé et public. Mais en même temps... Pourquoi pas ? C'est pas ça. C'est pas pourquoi pas. C'est... qu'est-ce qui doit être visible ? Et qu'est-ce qui doit être caché ? C'est une profonde réflexion sur l'origine de la visibilité. Et c'est aussi, je crois, pour en revenir à ce que je disais il y a un moment, qu'avons-nous dû cacher pour accepter d'être gouverné ? Qu'avons-nous réprimé pour accepter ça ? Évidemment, Diogène le montre de façon très provocatrice, mais on n'est pas obligé d'aller si loin. Je crois que l'idée, c'est de comprendre ce qu'il veut nous dire. Après... Moi, je pourrais renverser votre question. À partir du moment où, si je tiens mes promesses, si je respecte mes engagements, si je fais ce que je pense devoir faire parce que ça dépend d'un commandement, est-ce que c'est vraiment une promesse ? Est-ce que c'est vraiment un engagement ? Je veux dire, où est la liberté si elle doit vraiment prendre la forme d'une loi ? Alors, tout de suite, on va me répondre Kant, hein. Oui, c'est ce que j'allais faire. Voilà. Tout de suite, on va me répondre Kant. Mais moi, pendant des années, évidemment, je respecte toujours. Bien sûr. Et à un moment de ma vie, vous voyez, il a fallu que j'arrive à mon âge pour me dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on accepte si facilement que les libertés doivent provenir d'un commandement, d'une espèce d'impératif catégorique qui va condamner toute autre forme de motif sous le nom d'hétéronomie? Et c'est là que Lévinas intervient en disant « moi je ne suis pas d'accord, moi je pense que l'éthique, hein, je ne suis pas la seule, Lévinas qui est bien plus élaboré sur cette question, dit « mais non, l'éthique ne dépend pas d'un commandement, l'éthique elle dépend de l'ouverture à l'autre ». Oui, mais sous forme de commandement, le visage quand même de l'autre dans l'éthique de Lévinas. Non, non. Tu ne tueras point. Oui, mais ça n'est pas, alors ça, il, c'est lui qui parle de responsabilité anarchique. C'est une obéissance sans commandement, ce qu'il appelle la... Voilà. C'est très particulier, hein, c'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est effectivement une forme d'obéissance, mais sans ordre donné. Donc, voilà. Et ça, alors voilà, si on s'en tient à l'anarchie, finalement, il faudrait peut-être même éradiquer l'idée d'obéissance. Oui, alors évidemment, Lévinas parle d'obéissance pour essayer de contredire Kant, à savoir, je peux obéir à quelque chose qui n'est pas un commandement. Et c'est ce qu'il appelle donc l'anarchie. L'anarchie éthique, la responsabilité anarchique. Je pense que effectivement, ce qui compte, c'est responsabilité. C'est-à-dire, on peut répondre à quelque chose qui est un appel, mais un appel qui ne commande pas. C'est difficile à penser. Oui. Mais, après tout, quand l'autre m'appelle, je peux aussi ne pas l'entendre. Ça ne commande pas forcément, c'est ce que dit Lévinas. Finalement, ça fait écho au texte qu'on a entendu de Kropotkin sur l'entraide. Exactement, exactement. Et on pourrait se passer de contrat, par exemple, de contrat social. Alors, le contrat social, certainement. C'est-à-dire que cette idée qu'on consent librement à contractualiser avec les autres, etc., certainement. Après, des contrats locaux, temporels, etc., non. Je veux dire que souvent, les communes reposent là-dessus, mais il y a contrat et contrat. Je vous propose d'écouter, Catherine Malabou, un dernier texte. Nous pensons que la politique nécessairement révolutionnaire du prolétariat doit avoir pour objet immédiat et unique la destruction des États. Nous ne comprenons pas qu'on puisse parler de la solidarité internationale lorsqu'on veut conserver les États. À moins qu'on ne rêve l'État universel, c'est-à-dire l'esclavage universel, comme les grands empereurs et les papes, l'État par sa nature même étant une rupture de cette solidarité, et par conséquent, une cause permanente de guerre. Nous ne concevons pas non plus qu'on puisse parler de la liberté du prolétariat, ou de la délivrance réelle des masses, dans l'État et par l'État. État veut dire domination. Et toute domination suppose l'assujettissement des masses, et par conséquent, leur exploitation au profit d'une minorité gouvernante quelconque. Nous n'admettons même comme transition révolutionnaire ni les conventions nationales, ni les assemblées constituantes, ni les gouvernements provisoires, ni les dictatures soi-disant révolutionnaires, parce que nous sommes convaincus que la révolution n'est sincère, honnête et réelle que dans les masses, et que lorsqu'elle se trouve concentrée entre les mains de quelques individus gouvernants, elle devient inévitablement et immédiatement la réaction. Les marxiens professent des idées toutes contraires. Ils sont les adorateurs du pouvoir de l'État et nécessairement aussi les prophètes de la discipline politique et sociale, les champions de l'ordre établi de haut en bas. Eux, ils sont les gouvernementaux, nous les anarchistes quand même. Liberté, mon cul. Égalité, mon cul. Fraternité, mon cul. Liberté, mon cul. Égalité, mon cul. On passe de Bakounine à Philippe Catherine, donc Mikhaïl Bakounine qu'on a entendu interpréter par Hélène Losser. C'est un extrait de sa lettre au Journal de la Liberté de Bruxelles du 5 octobre 1872. Alors, on retrouve dans ce texte tout ce qu'on a pu aborder durant cette émission. Catherine Malabou, la critique de l'État, mais pas seulement, la critique du gouvernement, la critique aussi du marxisme qu'on a un tout petit peu évoqué, surtout la critique de la domination. Mais effectivement, il faut peut-être revenir quand même sur cette critique du marxisme, là, véritablement, en fait, on se rend compte que les anarchistes sont contre l'État, certes, mais sont aussi contre l'idée d'une révolution. Ça, c'est intéressant, en fait. C'est-à-dire que l'anarchie ne prend pas forcément la forme d'un soulèvement ou d'une lutte ou du conflit, parce que ce soulèvement peut toujours courir le risque de prendre tout de suite la forme, en fait, d'une organisation, et donc d'une organisation dictatoriale comme pour les marxistes, la dictature du prolétariat, voire, en fait, d'une domination entre dominants et dominés. Oui. Là, il écrit donc ce texte en 72, comme vous avez dit. Il a été, il a adhéré à l'International en 69, et donc il en a été exclu, comme on a dit, par Marx. Il n'avait pas du tout la même, effectivement, la même vision. Il a été exclu pour cette divergence de vision ? Pour cette divergence de vision, c'est-à-dire refusant la discipline du parti, l'idée de dictature, du prolétariat, surtout la discipline de parti. Et Marx était gêné par cet ancien ami, parce qu'ils ont eu quand même une amitié, qui remettait en question cette idée de discipline et de logique du parti, comme bon voilà, il faut obéir. Alors, vous avez vu que ça commence par une critique de l'État, c'est vrai, mais tout de suite, vous voyez, ça glisse vers le gouvernement. Il dit la minorité gouvernante, hein, c'est ça le problème. Et il reproche aux marxistes, au fond, de reproduire cette logique en remplaçant l'État par la discipline de parti. Alors, est-ce que c'est pas un mouvement révolutionnaire ? Bon, il est certain que là, encore une fois, on est face à l'anarchisme classique des années 80, enfin 1870, 1880. Je crois qu'on ne pourrait plus entendre aujourd'hui l'anarchisme, c'est les masses, etc. Il faudrait quand même actualiser la chose. Mais effectivement, je ne sais pas si ça n'est pas un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement révolutionnaire. Et si, il faut faire la révolution. Mais effectivement, en ayant toujours dans l'idée que la prise de pouvoir peut se transformer en dictature dans la mesure où elle reproduit, si elle reproduit nécessairement les mêmes structures. Alors, et surtout que, on vous l'avait dit tout à l'heure, vous avez parlé d'un anarchisme de fait, avec des mouvements actuels politiques qui ne relèvent pas pourtant de logique politicienne. Voilà, on a parlé des gilets jaunes. Il y a d'autres exemples. Il y a eu Nuit debout, quoi qu'il faudrait en reparler. Il y a plein d'autres mouvements à travers le monde qui échappent à la logique des syndicats, à la logique des partis. Mais ce qu'on reproche, et c'est aussi une manière de les disqualifier, ce qu'on leur reproche, c'est cette impossibilité à s'organiser. Et finalement, c'est est-ce qu'on peut échapper à l'organisation ? Comment, en fait, contrer cette objection de « vous n'êtes pas organisé » pour néanmoins pouvoir faire entendre sa voix ? Ben, je dirais que c'est là que, à mon avis, il devient nécessaire, dans cette espèce de coexistence de ce que j'appelle l'anarchisme de fait et l'anarchisme d'éveil, il devient nécessaire de penser la chose. Je crois que là, moi, c'est ce qui m'a semblé urgent, en tant que philosophe, d'essayer de me dire « que se passe-t-il » Est-ce qu'on ne doit pas, aujourd'hui, montrer que l'anarchisme est aussi une pensée, a aussi un ancrage philosophique. Et comment le repenser aujourd'hui ? Parce que vous avez raison, cette question de l'organisation, elle est primordiale, elle ne peut plus être directement calquée de ce qu'on disait en 1880, elle ne peut même plus être vraiment altermondialiste, c'est un nouveau discours qui a à s'inventer aujourd'hui. Je dirais, en ce qui concerne les ZAD ou les Gilets jaunes, etc., que est-ce qu'on leur laisse aussi vraiment la possibilité de s'auto-organiser, hein, parce que quand même, quand on voit ce qui s'est passé dans la ZAD, là, bon, ça a été quand même une répression massive, les Gilets jaunes sont quand même beaucoup disqualifiés, etc. Les mouvements aujourd'hui, bon, contre le pass sanitaire, je ne les assimilerai pas à l'anarchisme, hein, mais enfin, disons, c'est tous les discours autres. Que les discours autres, hein, voilà, c'est-à-dire que tout de suite sont taxés de complotisme, de naïveté, de... Bon, on peut aussi peut-être se demander s'il n'y a pas autre chose dans tout ça qu'une simple... Voilà, parce qu'effectivement, si vous me demandez ce que je pense, moi, des antipasses, je ne vais pas avoir une opinion très favorable. Et en même temps, je me dis, oui, mais quand même... Il faut pouvoir les entendre. Il faut pouvoir les entendre, voilà. Et donc, moi, si vous voulez, je n'ai pas de solution. Ce que je peux dire en tant que philosophe, c'est qu'il me paraît... urgent de repenser la chose. Vous avez dit aussi, Catherine Malabou, tout à l'heure, on va finir sur cette idée, qu'il y avait aussi un anarchisme de fait, non pas seulement dans des mouvements, mais aussi, par exemple, dans une ubérisation de la société. Comment articuler un anarchisme de fait et aussi ce qui est de l'ordre un peu de la fatalité ? Parce que l'ubérisation, ça n'a pas du tout un anarchisme où là, on exprime une voie alternative, mais plutôt quelque chose qu'on subit. Quelque chose qu'on subit. Et ça aussi, ça me paraît très étrange. Dans toutes les critiques aujourd'hui du néolibéralisme qu'on entend en philosophie, hein, que personne ne parle de l'anarcho-capitalisme qui est en train de prendre une extension énorme. Hein, parce que, bon, le libertarianisme, quand il y a eu un article sur Trump, hein, Trump est-il un anarchiste ? Il faut prendre ça très au sérieux. C'est-à-dire que derrière l'autoritarisme gouvernemental, effectivement, il y a un laisser-être, laisser-passer, on critique les impôts, on critique l'État, en fait. Hein, c'est ça le paradoxe de Trump. Effectivement, on est en train de subir aujourd'hui cette ubérisation illimitée, soutenue par des trusts, en particulier par, évidemment, les GAFAM, etc. Il serait peut-être temps de se demander si le capitalisme n'a pas compris beaucoup plus vite que nous les avantages d'une critique de l'État et d'une critique du gouvernement. Bon, il est urgent. Merci beaucoup, Catherine Malabou. De vous, on pourra donc lire Au voleur, anarchisme et philosophie. Ça va paraître aux éditions PUF. Ce sera en librairie le 5 janvier. Mais en attendant, de vous, on peut lire Le plaisir effacé, clitoris et pensée. C'est aux éditions Rivage. Métamorphose de l'intelligence, que faire de leur cerveau bleu aux éditions PUF. Et enfin, que faire de notre cerveau aux éditions Bayard. Merci beaucoup. C'est en vivant genou à terre que tu as ressenti le mouroir dérisoire. Que serait ta vie malgré ta servitude, malgré tes aptitudes, malgré ta misère qui te ronge et t'en serre. C'est ta vie, c'est ta grâce et ton destin, c'est sans espace de peine et de misère. Voici venir le prolétaire, même en vivant genou à terre, on peut réagir en brisant le miroir des désirs. Vous écoutez France Culture, ni Dieu ni Maître, Trust, il est 10h54 et vous allez maintenant écouter Frédéric Worms pour sa chronique Le Pourquoi du Comment. Qu'est-ce qu'une bonne définition ? Il n'y a rien de plus fascinant et peut-être de plus beau qu'une belle définition. Et du coup, on a envie d'ailleurs de définir le mot définition lui-même. Ce serait quand même un comble qu'on ait un plaisir et même un devoir en philosophie comme ailleurs dans la vie de définir et qu'on ne puisse pas définir le mot définition lui-même. Savoir ce que c'est au fond qu'une définition. Les définitions sont importantes dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas un seul domaine, un peu technique par exemple, où on n'ait pas besoin de définir. Mais même dans la vie, bien sûr, pour se repérer. Si l'on est fasciné par la définition, c'est d'abord, semble-t-il, parce qu'elle est constitutive, essentielle pour établir un lien entre le langage et la réalité. La définition nous semble être la condition même du rapport d'un mot aux choses. Un outil doit être bien défini parce qu'il correspond à quelque chose. Et finalement, avancer dans une connaissance, c'est aussi avancer dans le dictionnaire et réciproquement. Et donc, on a cette idée que la définition est ce qui assure ce lien, ce verrouillage, cette correspondance et finalement cet ancrage du langage dans la réalité, dans l'essence même du réel. C'est d'ailleurs, au fond, l'une des premières grandes définitions de la définition dans la philosophie antique, chez Aristote, qui est un grand maître des définitions, peut-être le premier qui a voulu définir la définition dans sa logique, dans les analytiques, et il définissait la bonne définition, c'est celle qui va à l'essence d'une chose, l'essence générale, disait-il, le genre, et puis on la caractérise par un trait spécifique, parce qu'il y a aussi des différences dans le réel. Et la définition, donc, découpe en quelque sorte la structure du réel selon le réel lui-même. Et l'une des définitions les plus célèbres, c'est celle de l'être humain, l'homme, comme animal rationnel, ou, et d'ailleurs on voit déjà un petit flottement, comme animal politique, ce qui veut dire que l'homme fait partie des êtres animés, des animaux, qu'il a une âme, il y a un traité de l'âme d'Aristote, mais qu'il a un type d'âme un peu différent des autres, qui lui permet la raison, et la raison lui permet aussi la politique. L'homme comme animal rationnel, eh bien ça nous rassure, c'est une définition rationnelle, ça dit quelque chose, et surtout dans cette philosophie, ça nous ancre dans l'être, dans l'essence même des choses. Une des définitions aussi d'Aristote qui avait fasciné un ami, Francis Wolff, presque homonyme et philosophe de la musique, qu'il a entraîné, dit-il, dans toute sa carrière philosophique, qu'il a entendu à la radio, c'est quand Aristote définit la musique comme l'art des sons. L'art, un genre, on définit l'art chez Aristote, d'une certaine façon qu'on n'a pas le temps de reprendre, et puis les sons, c'est un art parmi d'autres, il y a donc une classification des choses par l'art justement de la définition, l'art de définir lui-même. Mais bien sûr, on peut contester cette idée de la définition. Pourquoi la définition ne serait-elle pas simplement une convention de langage, un artifice humain? Comment garantit-elle son ancrage dans le réel? C'est ce qu'on appelle la critique nominaliste, la critique relativiste des définitions. Et peut-être que chacun ses définitions. Entre les deux, toute l'histoire de la philosophie, parfois sur le modèle des mathématiques, comme chez Spinoza qui écrit une éthique morée géométrico à la façon des géomètres, considère en réalité la définition comme une hypothèse, comme une création même, selon certains, une définition qui nous ouvre un espace de vérification et qui propose un autre découpage du réel, un découpage qui n'existe peut-être pas dans les choses mêmes, mais pas non plus arbitrairement, qui doit être vérifié. Deleuze parlait de la création de concepts, Bergson aussi. Mais prenons par exemple la définition de la vie chez Bichat. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Elle a ouvert 2 siècles de discussions philosophiques et scientifiques. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Laurence Malonda et à la prise de son aujourd'hui Jacques Hubert, avec aussi Hélène Losseur à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette première émission sur l'anarchie, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et rendez-vous demain pour la suite. Et demain, nous parlerons de la célèbre phrase de Proudhon, la propriété c'est le vol, et ce sera avec Anne-Sophie Chambost. À demain.